dans ce hip-hop. J'ai visé la différence. Parce que j'en fais toute ma préférence. Quatre lettres sur le torse, mon frère. Ok. J'ai visé la différence en croyant que j'allais mieux, laissant l'indifférence en faire d'abord mon premier lieu. Depuis 28 ans où je pratique, ressens mon art, dessiner autant de sons, autant perdu dans mes placards, écrit sur du papier en le croyant indestructible, sans jamais penser qu'un jour il n'en serait plus la cible. C'est pourtant dire si j'ai essayé d'être crédible, en y mettant mes tripes, en l'écrivant comme une bible. Et dans mes yeux, tu y verras toujours cette émotion, et parce que j'ai besoin toujours d'y voir la sensation. Je ne présente plus le style que moi je te décris, assis sur les de la rime et de ses écrits, une masse de mots qui représentent tous mes propos, fatalement sur l'émotion de tous mes idéaux. Mais que veux-tu que je te dise, ça fait partie de moi. Depuis tout petit, je n'en ressens que cette foi. J'ai visé le haut de ces nuages, atteindre le soleil, et parce que la clarté doit illuminer mon sommeil, ressentir ma culture sans y voir qu'il la salisse, comme une pierre qu'il faudra bien que je polisse. Briller au plus profond de la masse qui transpire, parce qu'on ne voit et ne profitera que du pire. Je respire le profondément sans me dire décidément, on ne fait que dans le mot, dit apparemment, que la mélodie m'emmène et jamais ne me ramène. Au moins je ne penserai plus à la vie qui me malmène. Amène-moi le soleil dans mon cœur qui palpite, que je puisse voir autour de moi toutes les pépites, celles qui apportent la douceur avec valeur, au lieu de détruire le temps avec toutes ces douleurs. Hip-hop c'est maintenant que moi je t'implore, sans flop. Je peux bien dire que je t'adore. Ne crois pas que l'ignorance est ma vertu dans l'horizon. Ma culture me donne l'envie d'en augmenter sa profusion. Tant d'années où j'ai porté le temps et de tous ces malheurs, maintenant je me tais pour que tu puisses en ressentir ma douleur. C'est l'heure du règlement et toute sa facture, aussi fluide que ses fragments et que toutes ses fractures. C'est sûr que le mépris m'a donné cette signature. Sur le son je t'accorde mes montées en rupture. On croit que tout est acquis à condition de l'avoir donné. Je signe en bas de la page et des artistes abandonnés, assaisonnant la suite car je reste comme un écrit, aussi bien que ce putain de ciel qui est encore gris. Lassitude qui me flagelle comme si c'était normal. Mais où est le chargeur de l'envie de toute cette rafale, quand le taciturne augmente ton envie d'exploser, et que le diurne te fait penser à t'exposer. Ces cadeaux sur la planète et celle de l'hypocrite, celle qui croit qu'à lui seul il faudra que je l'invite. Banalité de ce temps qui me donne aucun espoir, dark vision sur la suite qui me fera broyer du noir. Et que regardes-tu espèce d'indigne en puissance, avec force je te dirai que tu as bien de la chance. Irez-vous comprendre comment l'amertume moi m'écrit, de l'intérieur je crie la violence et de tous ses fruits. Le couple est à garder et cette envie de forcer le vécu, oubliant que parfois on doit garder toute la vertu. J'ai su, j'ai vu, et même que j'ai perdu la leçon sur le piano, on a vu tout s'est corrompu. Catalogue de l'image et que le flash te nique les yeux, parce que le monde n'est pas beau à voir sur le miteux. Finalement combien de phrases auras-tu encore retenu, les mains liées par la suite qui fera de moi un détenu. J'ai visé la différence.